Planet. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Khariss. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Khariss, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue, Khariss, comment ça va? Bien quoi, mon pote Frédo? J'ai l'impression qu'on est nombreux ce soir encore. Ouais, de fou. Là, c'est la guerre, c'est le zoo, c'est RGT, c'est la puissance, c'est Sevran, frère. C'est Sevran, c'est une grosse équipe en freestyle, gros freestyle. De fou, il va y avoir un gros freestyle, là. Hier soir, on était avec 13 blocs qui étaient là aussi, on va les retrouver dans le replay de la veille, maintenant sur Skyrock, et puis juste après, on débute ce nouveau Planet Rap. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Je mélange. Focus Mic, vend de la drogue, Focus Mic, faut que je mange. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul, n'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Planet Rap Khariss. J'avais promis aussi un petit blind test. Blind test sur les punchlines de Khariss avec d'un côté Noémie qui vient de Soissons. Ça va bien, Noémie? Ça va. Nickel, Khariss, je voulais te dire. Ah. Déjà, t'es de speed. T'es de speed. C'est de la merde. C'est vrai. Pardon? Mais non, poisson d'avril. Ah, tu vois, Noémie avait une petite blague. Ouais, elle est pas mal ta blague. Je sens commencer à t'insulter, ma puissance. Je me suis dit, oh merde. Noémie, t'es très forte. Et face à toi, il y a Roman de Reims. Salut, Roman. Roman de Reims, excuse-moi. Là, ça va aller très vite. Noémie, tu es prête? Roman aussi qui a 3-0 pour l'instant. Ouais. L'heure n'est plus à la flatterie puisque mon cœur est à la batterie. Le bruit de mon âme. Le bruit de mon âme. Noémie. Noémie. Eh ouais. Allez, t'es trop rapide. C'est bien, Noémie. Je veux que la vie me fasse une gâterie. Ça, c'est la phrase phare. Ça te plaît, Noémie, hein? Ça me plaît. Je veux que la vie me fasse une gâterie, hein, ça te plaît, hein? Ouais. Eh oui. On veut tout ça. C'était hier soir, en direct avec Khariss sur Skyrock. Mes négros réagissent comme des rivales. Mes négros, c'est négros. Raccourcis ton pronostic vital. Banks. La verte que j'atomise n'est pas végétale. Végétale. Parcours de vie en très mauvais état. Plate comme Dark Vador et neuf comme Végéta. Plus de méfiance envers l'humain que le Beretta. Car c'est l'humain qui construit le Beretta. Tu sais pas ce que je peux cacher sur mon béret, man. Œil pour œil, dent pour dent, ne parle pas d'âge. On veut plus les thunes, on tégera dans un lac. Big Savage. Hey, on veut. Vous voyez, pas de voyous de merde. Vous voyez rien quand la gamme prend vos mères. Vous valez rien. Vous valez rien. Vous voyez rien quand la gamme prend vos mères. Oh oui. C'est trop tard pour que les autorités viennent nettoyer le drame. Flex. Yo. Tous les MC pissent le sang dans les toilettes des dames. Flex. Calache est chargé, je tire, je ne parle plus comme un Marines. De cette. Ma bitch prend du plaisir par le cul et par les narines. Okay. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Khariss sur Skyrock. Khariss avec nous et l'album Le Bruit de mon âme qui est sorti lundi, l'album qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. La tournée aussi, ce soir t'es au Trabendo après l'émission? Ce soir Trabendo. Voilà, ça va être la première fois que tu joues les morceaux de cet album ou... Ouais, ça va être la première fois. Donc il y a du stress, mais c'est le bon stress. Bon, tu sais déjà. Je sais que le public va être avec moi et je vais être avec eux. Donc, t'as une petite idée aussi déjà de cet album, quels morceaux vont être fous sur scène? Ouais, j'ai une petite idée, ouais. Des morceaux comme Tripoli, par exemple. Tripoli, Kadirov, Trap, Les Oiseaux. Ça va être très, très, très, très grave. Et loupez pas, parce qu'il y a non seulement ce soir au Trabendo, mais le 10 avril, t'es à Marseille, le 11 à Lyon, le 13 à Montpellier, 14 avril à Bordeaux, le 15 à Toulouse, le 21 à Caen, le 22 à Rennes, le 23 à Brest, le 28 à Metz, le 29 au Printemps de Bourges, le 9 novembre aussi. Ça peut paraître loin, mais il faut prendre les places. C'est loin, mais ça vient vite. Et ça part vite aussi les places, donc... Faut se préparer mentalement, tout ça. N'hésitez pas, c'est pour le 9 novembre. Ils vivent quelque chose d'inédit aux Zénith. C'est le 270 Tour. Exact. Qui s'arrêtera aussi dans d'autres villes. Hein. Il y aura forcément d'autres villes qui vont s'ajouter au fur et à mesure. On va venir chez vous, on va venir partout.

Caris avec Futur sur le morceau Cristal à l'instant. Cristal, c'est puissance, frère. C'est extrait de l'album. Le clip est dispo aussi, allez mater les images. On est tous d'accord, l'album il est lourd. Le bruit de mon âme, il est lourd. D'ailleurs, on va faire un tour de table et demander s'il est lourd. Tes invités ce soir. Ouais, ils sont là. Hein. Alors, on commence par qui alors ? C'est mes amis, RGT, poteau. Petite présentation. C'est vous les gars. Bon bah, yes, c'est Xo l'ennemi. Xo qui est là avec nous, ça va bien ? Ça est. C'est devenu la chouam ici. Bah oui, c'est vrai que tu étais venu pour une nocturne. On a fait une nocturne ensemble. Pour mon projet. Au moment de la sortie du projet qui est toujours dispo d'ailleurs. Toujours dispo en digital parce qu'en CD il n'en reste plus, tu vois ça. Donc faut aller cliquer uniquement. Voilà, faut aller cliquer maintenant uniquement. Xo, on te retrouve aussi avec Solo le Mythe sur l'album de Caris. Grosse combinaison, tu vois. Situation. On maîtrise toute la situation. Bon, et toi, t'es de Sevran aussi. Voilà, donc y a la filiation aussi. Sevranesque. C'est avec la famille, frérot. Ce soir, entre 20 et 21. Voilà, c'est ça. Bon, tout va bien pour toi, Xo ? Ouais, ça va. Il y a des concerts, il y a des dates aussi. Bien sûr. En même temps, je voulais en profiter, comme je sais que toute la France m'écoute. Ces temps-ci, il y avait un petit engouement avec le 24 mai. Tout le monde me demandait ce que je préparais le 24 mai. J'ai fait des petits teasers, tout ça. En fait, le 24 mai, c'est un cabaret sauvage que j'organise, tu vois, avec mon équipe, gros concert, avec les gros invités. La plupart des morceaux avec qui j'ai fité, on pourra retrouver Caris ou bien Solo, ou bien Radio, ou bien Sultan, ça va être vraiment. Donc c'est la réponse à tous ceux qui se posaient la question. Que se passe-t-il le 24 ? Xo l'ennemi prépare la guerre, c'est ça, c'est une guerre qu'on prépare. 24 mai. Le 24 mai, c'est une date à retenir, frère. C'est Cabaret Sauvage à Cabaret Sauvage. Pour aller voir Xo près de chez vous et puis toujours le projet qui est dans les bacs. Toujours le projet qui est dans les bacs. EP digital partout, il est disponible et voilà, ça bosse. Bienvenue en tout cas pour ce Planète Rap, on te retrouvera en live tout à l'heure. Yes. On continue le tour de table. Solo le Mythe. Qui était là aussi en début de semaine. Encore lui. Encore moi. Encore lui. Aïe aïe aïe. Tchass. 10-12R. Tchass. Bienvenue Solo aussi. Ouais, merci Fred. Avec nous, on te retrouvera aussi en live. On continue le tour de table. Ouais. Kiba, artiste 10-12 Record. On va arriver salement. L'album de Caris, c'est une frappe atomique. Allez prendre tout de suite, sinon t'es mort dans le film, gars. yep, ici c'est Ghost B. Bon, on prépare un truc lourd, donc faudra rester branché pour écouter ça, quoi. Ok. Galère, mon pote. Yama. Et puis il y aura d'autres gens peut-être qui se présenteront aussi au moment du freestyle entre 20 et 21. Caris avec nous. Tiens, on a été récupéré sur le net. Je sais pas si toi t'es fan, alors non pas des parodies, parce que ça, je suis moyennement fan, ça dépend des parodies. Non, c'est même pas ça, c'est que. Y a rien qui t'a touché. Il n'y a rien qui m'a touché. Par contre, est-ce que tu as vu le nombre de covers qu'il y a de reprises de tes morceaux avec des orchestrations parfois hallucinantes ? Ouais, je sais pas pourquoi, ils aiment bien. Ouais. Ils aiment bien se lancer des défis. Nous, on a collecté un petit, on était fait un tour sur le net, on a collecté justement les covers de Caris qui sont surprenantes. Écoutez, on vous en a fait un petit medley de 2 minutes. Planet Rap. Je n'ai aucune peine. Je t'ai ni parage dans les veines. Je n'ai que de la glace. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. J'y m'entraîne à sourire devant ma glace. Ramasse ton string et va te laver. C'est très bien, mais c'est pas. Pas qu'héroïne dans des sachets. C'est très bien, tu peux pas. Du kérosène pour mélanger. C'est très bien, tu peux pas. Tu peux l'inhaler, tu peux l'injecter. Maman, je vis pas, je meurs pas. S'il te plaît, prie pour moi, ne pleure pas. Je passe beaucoup de temps sur un grand nombre de petites choses et tu vois que les heures passent. Tu m'as dit reste près de la cour avant de racailler. J'ai été fils où tu vas finir dans un four à détailler de la CC. Maman, et c'est la police me corset que t'as eu un bébé noir et j'ai juré d'être hardcore jusqu'à mort. Tu m'as dit petit tu as tort, ce monde est rempli de choses que tu ignores. Maman, je ne vis pas, je ne meurs pas. S'il te plaît, prie pour moi, ne pleure pas. Je passe beaucoup de temps sur un grand nombre de petites choses et que tu vois que les heures passent. Trop souvent les armes y sont, mais le tueur n'y est pas. Trop souvent les larmes y sont. Cette mélodie, moi je n'ai que ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie, des ennuis, des ennemis. Et cette mélodie. Les singes viennent de sortir du zoo, armés comme à l'époque du clos, mangent tout la mort. dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Ton cadavre derrière quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau. Armé comme à l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo. Planète Rap Caris. Voilà, Caris. Barre de rire le dernier. Ouais, j'aime bien en fait. Ouais, il y a des trucs bien, c'est ouais, marrant. Des trucs bien, ouais. Même les nanas qui chantent et des tout. Des belles voix et tout. C'est marrant. Celle qui poussait son i jusqu'à l'infini. Je dirais qu'elle était en mobilette. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses surprenantes. Il y a tout et n'importe quoi, forcément. Ouais, ouais, non, mais tout est bien. Tout est c'est bien. Des choses que tu regardes beaucoup, toi, sur le net ou t'es je pas... les avais pas écoutées, celle-là. Je les avais pas écoutées. T'avais pas écouté celle-ci? Mais je vois que Hors Noir a marqué. Ouais. Faites des parodies, y'a pas de problème. Hein. Mais là, en même temps, oui, c'est clé, on va les regarder. C'est plus des côtés cover que des, que ouais. des parodies, quoi. Il y avait quelques parodies, mais il y avait des bonnes covers, quoi. Ouais, il y a j'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient bien. Il y a des trucs bien où ça rejoue les morceaux, tu veux dire. Exact. C'est assez marrant. Celui de la fin, il était. Celui-là est très fort. Pour les chevelus, ouais. Les rockers. Ils aiment ça, ils aiment ça fort. Caris avec nous entre 20 et 21. Dans un instant, il y aura un 2-7-0, gros live. 2-7-0, poteau. Qui se prépare. Gros live. Est-ce qu'on met un morceau genre ambiance live ou ambiance concert maintenant? Un morceau qui va faire sauter les foules? Ouais. Ou un autre Vas-y, je te laisse choisir. Ah bah peut-être qu'on peut mettre aussi le morceau avec Xo et Solomite. Hein, Pourquoi pas? Tu vois, tu choisis très très très bien. Morceau situation, non? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Oui. Ça vous va? Bien sûr. Comme vous êtes là ce soir, on va balancer ce morceau. Voilà, comme jamais. Il est extrait du Bruit de mon âme de Caris et on l'écoute maintenant. Sevran maîtrise la situation dans le rap français. Tchoss! De vitesse est neuve, la femme du juge est veuve, la police n'a pas de preuves, je ne fais que des chefs-d'œuvre, les jaloux font ce qu'ils peuvent, je les regarde sur mon écran cœur, la vie n'est qu'une épreuve, tes punchs de merde, tes albums de merde, ça ne me fait même plus triper, les dents de la mer ou la chatte à ta mère, je sais pas ce qui me fait le plus flipper, parle pas au Condé, flingue dans les tuyaux, petit sachet dont j'y couche, on est tous foncés, celui qui conduit. C'est celui qui a les yeux les moins rouges. 2-7-0, le son du clic. Je ne te laisse pas de quartier. Je connais tous les duos qui sont dans mes clips. Ce sont les gars de mon quartier. Dans nos pâturages, des hectares de pavots. Tous les chiens ont la rage dans mon élevage. Tu fais des repérages pour ta vidéo. Des repérages pour un braquage. Comme Vegeta, viens avec nous. Pour une virée sur Namek. Pekaïba, on a les mêmes goûts. On aime tirer sur les mêmes mecs. Ramasse ton string, et va taper. Non, je crois qu'elle a pas tout compris. Je veux pas ton nom, je veux pas ton number. Dis-moi juste quel est ton prix. Les liasses de billets pleuvent. La boîte de vitesse est neuve. La femme du juge est veuve. La police n'a pas de preuves. Je ne fais que des chefs d'œuvre. 2-7. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. 2-7. Les regards sur mon écran cœur. 2-7. La vie n'est qu'une épreuve. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation. Les gars maîtrisent la situation. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. On maîtrise la situation. Les gars maîtrisent la situation. On vient de la jungle, ce vrai c'est le hood. Je traîne avec des hyènes et des loups. J'ai de la frappe, je vis la débrouille. Des gros bras, des pecs et des couilles. C'est que tu pleuras, nous rien à foutre. Leur passe en l'air tout ouf. Maradona, qui te m'en fout. Que maintenant c'est Dune qui shoot. Char de mon bloc, j'ai pris mon bloc. J'ai pas besoin des forces de l'ordre. Les keufs nous coffrent, d'un coffre un keuf. On a kidnappé Robocop. RS4, Espagne, charge. J'ai pris en charge pour l'ordre. On refuse de s'arrêter. Au prochain péage braqué. Faut passer en plan B. Ratatata. On maîtrise la situation. J'ai pas sauté mes cours de maths. En 2-4-6, tu peux finir par une balle dans le thorax. J'ai pas voulu donner de place. Aujourd'hui, je me fais juger en comparaison immédiate. Plus à bout de chat, mes négros sont d'attaque. Ravitaille sans problème, mes rebelles sont d'attaque. J'suis à moins 93 degrés. Que sache qu'on soit ces rappeurs du rap game. Les liasses de billets pleuvent. La boîte de vitesse est neuve. La femme du juge est veuve. La police n'a pas de preuves. Je ne fais que des chefs d'œuvre. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. Je les regarde sur mon écran cœur. La vie n'est qu'une épreuve. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation. Les gars maîtrisent la situation. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. On maîtrise la situation. Les gars maîtrisent la situation. situation maîtrisée. Hey. Crois-moi sur parole, je te dis tout est bien ficelé. Tu te plains d'être méprisé, mais au cheville t'as tes chaînes. T'as pas honte, négro, brise-les. Pas de l'amour dans leurs yeux que j'ai décelés. Que par les bras, yeah. Laisse-les. Penser que leurs mots pouvaient nous blesser, sont pas préparés, mais savent que ma tête l'est. Oh là là, c'est son nom le mythe. On a l'air de vous la mettre, on fait mal. Et c'est solide. Tu commences à nous connaître. Si tu veux le trip de ton salaire brut en net. Comme les politiciens, faut pas être honnête. 10-12 depuis l'époque, là ça vaut net. Les Yankees, les Condés et les enquêtes. Si j'ai pas la foi, je me dis parfois. Je pue très bien un 200 fois. Si t'es un loujat, mets-toi un doigt et refais-le une centaine de fois. C'est bon, c'est fait, maintenant avoue que tu kiffes. Allez, à bout de souche, t'achèves à bout de gif. Bien sûr, on maîtrise, même en temps de crise. On bossera pour prendre du bif. Tiens, de billets bleus, la boîte de vitesse est neuve. La femme du juge est veuve. La police n'a pas de preuves. Je ne fais que des chefs-d'œuvre. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. Les regards sur mon écran cœur. La vie n'est qu'une épreuve. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation. Les gars maîtrisent la situation. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. Les jaloux font ce qu'ils peuvent. On maîtrise la situation. Les gars maîtrisent la situation. Situation à l'instant avec Situation maîtrisée Ixo et Solo Meat. Exact. À la prod de ce morceau, Caris, celui-ci. Thérapie. 2093. Le patron. Le patron. Je te dis, c'est le fournisseur de la plus bonne cam qui existe. Qui existe. Ouais, c'est lui. L'album a été réalisé par Thérapie, mais c'est vrai qu'il nous le disait aussi en début de semaine, il y a une équipe qui a bossé avec lui, hein, comme ouais, ils sont quatre. Ils sont quatre à avoir bossé autour de cet album. Le 2031, Chichi, Zaz et Loxon qui est avec nous ce soir. Et celui-ci, à Zaz. Celui-ci était un gros morceau Situation qu'on écoutait à l'instant, extrait du Bruit de mon âme. On va revenir dans quelques minutes, on mettra aussi un autre titre. Exact. Avant d'attaquer le live, j'ai l'impression que les gars sont chauds aussi pour le live. Ils sont chauds de fou. Comme jamais. Ce sera dans quelques minutes pour la session freestyle. Les SMS 41759, le hashtag carré sur Skyrock. On revient juste après ça. Rap. L'émission rap de référence. Planète rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Caris sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Caris. Entre 20h et 21h, il y aura du freestyle qui se prépare dans quelques minutes. Ouais, un gros freestyle qui va arriver là, bien lourd. Le freestyle par téléphone. 10-12. Et juste avant un morceau de l'album, tu veux choisir cette fois-ci ou je choisis encore? On va. Ah ouais, tu veux choisir? Ouais, je vais choisir, c'est possible. Extrait du Bruit de mon âme, on va mettre un morceau. L'album est sorti lundi, c'est l'album numéro 1 des ventes. C'est Caris avec nous, il est de retour dans Planète Rap entre 20h et 21h. Ah, il y a des demandes dans le studio, Kadirov. Trap, Trap, c'est comme ça. Vas-y, je vais mettre Trap. Toi, t'es dans le côté Kadirov, moi, je suis dans le côté Trap, j'ai l'impression. Vas-y, on va mettre Trap. C'est bizarre. Ah, Trap a gagné. Vas-y, Trap. Planète Trap. Planète Trap, en effet. C'est Planète Trap, ce soir. Planète Trap. Exact. Solo dealer, solo. Et on balance le morceau maintenant sur Skyrock. Trap. C'est 0 plutôt. Je finirai assis sur le trône avec une couronne mortuaire. Faire entrer des tonnes complices avec les autorités portuaires. J'ai beaucoup trop souffert, trop feignant pour le missionnaire. Si je ressors les couverts, position de la petite cuillère. Bad bitch, bad bitch, bad bitch, bad bitch, grosse cuisse et bonnie. J'ai fourraille comme Tony, j'fais couler le sang et la sauce britannique. J'ai appris que les hommes veulent vivre aisés, quitte à se faire lever. Que les femmes adorent baiser, mais elles n'aiment pas se faire baiser. Dès que mon nom est prononcé, l'atmosphère est lourde de menaces. Un chat dans ma besace, enculé de sa race, c'est tenace. J'veux juste que les billets s'empilent. Ma bague sur le micro s'enfile, pendant que ces PD s'enfilent. Je les traite agonise tranquille. 2-7-0 cartel, double A je le martel. Je viens te sauver ma belle, tu sors tout droit dans ma belle. Elle veut pas qu'on voit sa tête, mais elle veut qu'on voit son cul. C'est le monde à l'envers, les yeux de ma mère, je ne comprends plus. suis tellement coté que les rappeurs ne savent plus comment faire. J'suis pas sur ton son mais on parle de moi dans les commentaires. Comment tu peux faire confiance à tous ces nègres intendants? Peux mourir pour un pote mais abandonne la mère des enfants. Tu connais déjà l'histoire de mon gros orteil. Parlons de mon casse et de mon oseille. Lève pas vers le canon, te cache au soleil. T'es un gros 6A, mais ta fille va accoucher d'un carlouche. Bye pas pendant que j'rappe ou ma huck va tomber dans ta bouche. Obligé, il faut que les douilles que j'sorte le globe dans le bloc. Faire du bruit car les poules veulent chanter plus haut que le coq. Bien émincer les feuilles de coca pour une bonne préparation culinaire. Je leur mange, je leur dis que c'est meilleur que des chécras et une escapade lunaire. Pétasse, j'ai envie de voir tes gros seins. Viens, on se fait un sex cam. Négro, tu veux voir mon gros flingue? Appelle-moi par FaceTime. J'prends l'industrie direct par le bout. J'prends même pas le temps de lui rouler une pelle. Le chargeur du AK est full. Il n'y a pas que la Red Bull qui donne des ailes. Décoré par ma passion. Beaucoup de liasses, donc beaucoup de papiers. J'participe à la déforestation. Mais je vais être riche pendant les 4 saisons. C'est la grosse pute de juste la raison. Le chemin le plus court pour faire de l'argent passe par la case prison. Mais je veux quand même égorger son chaton. Et je veux quand même enculer le maton. L'atmosphère est tendue. Je suis certes plus attendu. Tu m'as bien entendu. Et qu'une merde qui cuit dans son jus. Grappe. Laisse-moi la grappe. Laisse-moi la grappe. Je fais une sieste, tu fais de la trappe. Dès que je fais un geste, tu te manges une frappe. Crappe, crappe, crappe, crappe. Laisse-moi la grappe, laisse-moi la grappe. Dès que je fais une sieste, tu fais de la trappe. Dès que je fais un geste, tu te manges une frappe. Crappe, crappe, crappe. À l'instant extrait de l'album Le Bruit de mon âme. Ouais. Bon, c'est un gros morceau, c'était bien de le mettre. C'est après une bonne ce son-là, trap. Plus rien ne sera. Comme avant. Plus pareil. Ni ton gros orteil d'ailleurs. Voilà. C'est le son qui. C'est la violence extrême. Le morceau s'appelle Trap, vous le retrouvez sur Le Bruit de mon âme avec Caris entre 20 et 21. Dans quelques minutes, on attaque le freestyle. Il y a un gros freestyle de prévu. Et par téléphone, on est avec Nino de Clermont-Ferrand. Salut Nino. Salut Fred, bien. Ça va et toi? Je te présente Caris. Ouais, Caris, bien. Comment tu vas, Nino? Ouais, ça va. L'album... J'aime bien ton prénom. Nino, ouais. C'est classe. Nino Brown. Nino ouais. Brown. Nino Brown. Est-ce que, est-ce, ou pas est-ce que l'album est bien arrivé, Nino, du côté de Clermont-Ferrand? J'ai pas encore acheté l'album. Faut aller le pécho, Nino. Mais on m'a dit qu'il était vraiment, vraiment lourd. Eh bah, très bien. On peut le découvrir. T'as écouté le morceau, là, à l'instant trap. Ça va être New Jack City. Ouais. Bon, toi, t'es prêt à rapper? Ça sera Jimony. Ouais, ouais, je suis chaud. C'est parti, c'est sur freestyle par téléphone. Tiens, ouais. Son du 9-3. Ah. Ok. Ok. Et pas ton buzz, ni ta fille, je te paye. Je crame des prods à des heures tardives, je travaille dur, mais quand freestyle, je te baise. Je m'en bats les couilles de vous, la concurrence, line dans le rap, j'ai fait couler du sang comme sur des serviettes hygiéniques. Ça fait plaisir, j'écoute me dire ce que mes couplets te font. Relation basée sur le mensonge, c'est mieux qu'on coupe les ponts. J'ai pas changé, j'ai l'objectif de faire du profit, l'argent facile, ça remplit les poches, ton mal glisse et tes profits. Bête de flow, bête de rime, shake, ça vous dérange. J'ai du sang d'M6 sous ma semelle et sur mes phalanges, j'écoute ton flow, j'en ai la nausée. Je suis posé, va pas me causer. Mon rap, c'est de la boucherie, moi je cause du tort à José. Bon, vieux manque de l'eau, vestig dalle. Je veux qu'on signe un contrat vite, fait, je prends tout son freestyle. T'es rappeur, je vais tous les gifles en bas, ça coupe et détaille. Course poursuite avec les kids et sur un sous, je coupe et décale. Appelle-moi Kofi, Olomi, DMC. Joue pas trop les Anakin, moi je les fais kiffer jusqu'à Kin. On fait bouger ta petite copine, négueuse. Traîne qu'avec des cas sociales, beaucoup d'entre eux sont pas socialistes. L'atmosphère est glaciale. Blah, balance ta prod, t'élimine. Balance ta prod, une caméra et brasse, t'élimine. Eh, j'ai pas ton âge, mais malgré ça, je te la mine. Ça va me tête 0-3, mais sale bâtard, je te les mise. On m'a dit, t'es bien parti, petit faux pas que tu sais là. J'ai pas d'avenir dans le peura, c'est ce qu'on verra. Aujourd'hui, tu me négliges, demain, tu viendras me faire là. Je veux le pas Gazi et Bizarro Café là. Si, ok, Nino, à l'instant. Mon rap, c'est de la boucherie, je fais du sale à José Bové. Bien, bien. Merci. Merci à toi, Nino. Je veux mon pote. Merci on, à peut vous. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, ouais, balance. Sur le net, tu me retrouves, ma page Facebook, c'est Nino. sur Twitter, c'est Nino Music, Instagram, Nino Music, et je peux faire dédicace vite fait. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Bah, je fais une grosse dédicace à tout mon 6300, tout Clermont-Ferrand, je fais une dédicace à tout mon CLF, au lycée en France Bougère. Je fais une dédicace à Tim, à Nora et à tous ceux qui m'écoutent, à mon petit frère qui m'écoute, il est à côté de moi. Et ben merci à toi Nino, et en voilà. Tout cas. Comme d'hab, bienvenue Nino. À très vite. Merci, merci. Vas-y, ma gueule. Avec l'instru choisi des NTM justement. Ouais, ouais. Bah, y a eu Joey qui est passé dans le clip 80 The Trey. Ouais. C'était un beau petit clin d'œil. C'était un beau clin d'œil, ouais. Mmh. Un très très beau clin d'œil. Bah. Les invités qui sont venus, franchement, ils ont assuré quoi. Mac Taylor, Despo, Escobar, Sean. Dans mon 80 The Trey. Mon frère. Ouais. Et bah ce soir, on est aussi dans le 80 The Trey, mais du côté de Sevran. Si, si. Ce soir, c'est RGT. Est-ce que tout le monde est prêt maintenant pour le live? Comme jamais. Prêt. Messieurs, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Par téléphone. Ça s'est fait Nino. C'est l'heure du freestyle dans le studio, surtout maintenant. Bang, ce soir, je suis venu avec tous les plus cravers du 93. On y va quand vous voulez. Bang. Les instrus, c'est parti. T'es fraîche, tu peux pas lancer ça. Ouais, c'est comment pour les instrus de monde. Bang. Elles ont déjà passé nos 10 heures. Yeux, tout le monde. C'est bon? 10 heures à mille, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, 10h à minuit, 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. Pour le service de nuit, ça dérisque et périt. Nul tueur, on gratte le mur, c'est l'aspirine. Nul tueur, on gratte le mur, c'est l'aspirine. 2-7-0, pas de tournoi, de France, il faut se moquer de nous, les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. Capuché parce que déformé, pas la vie. J'ai passé des journées, des soirées à Bibi. Comme le verre à l'île d'air, je suis un ancien Oji. Yogi-waki, j'attends les Yankees. T'as beau changer de chaîne, Bibel n'est pas ta vie. Tel là sont tel là depuis que je suis normie. J'arrêterai le bêta pour le bif à Biggie. Pour t'en écoute parce que je raconte c'est que d'après les rumeurs, je suis toujours dans les trafics. Je les comprends parce qu'ils illicitent. J'ai rien vu, j'ai rien fait, tant pis j'ai amnésé. Qu'ils en demandent, ils en demandent. Oui, c'est de la blouse magique. J'ai dit sans mort, qu'ils s'en calent. On a débité des kilos pendant que tu prenais ton micro. Raconter ta merde, domine le prince de la vue. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. Pour le service de nuit. Le tir on gratte le mur, c'est de l'aspirine. Le tir on gratte le mur, c'est de l'aspirine. 2-7-0, pas tournant, dit de France. Tu nous les rapides. Les galactiques, moi je dire Chess, il Barça dans nos blocs. C'est la ligue des champions des deux sports à décote. Prouver ce qui se passe, les requins, oui, sont les asics, c'est conforme. Nos dealers pètent la forme sans toucher les ballons, veulent péter les milieux. Ici, fois qu'ils s'affolent, c'est qu'un échantillon. Y'a des tonnes et des tonnes, pas des cams, mais ça frappe. Location, attention, y'a 4 kilos de bœuf. Et la fée, tu sais, puis je rapproche sous le feu. Attention et violent, nous testons. On attend les Yankees, même entouré de bleu. On va rouge avec la verte qui nous rend heureux. Le fer est dans le four pour tous ces haineux. C'est nous les rapides, ils ont pas compris. Dimanche au lundi, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. 10h à minuit, on attend les Yankees. Pour le service de nuit, ça dérisque et périt. Les petits ont gratté le mur, c'est de l'aspirine. Les petits ont gratté le mur, c'est de l'aspirine. 2-7-0, pas de tournoi, l'île de France. Et pour tout le monde, c'est nous les rapides. Ciao. Comme jamais, c'est l'ennemi. Ben Diagal, libérez l'EMS. Tous les bicravers du 10-12. Libérez les kids. Enfermez Zito. Chasse. Solo Myth. 10-12 R. DJ Fresh. C'est bon, on continue? Allez, c'est parti, DJ. Aïe. Yeah. Elle est belle la vie, elle est belle la vie, elle est belle, elle est belle la vie, elle est belle la vie, elle est belle, belle, belle, elle est belle la vie, elle est belle, belle, et Fifi, elle est belle la vie, elle est belle la vie, elle est belle la vie, elle est belle, belle, belle, elle est belle la vie, elle est belle la vie, elle est belle, belle, belle, elle est belle la vie, elle est belle, belle. Ouais. 10-12-11. Grosse pensée aux potos qui nous ont quittés. Par accident d'automoto, leur c'est leur, mon ami, v'là une grande vérité. Personne ne partira trop tôt, le pourcentage est élevé de mourir assassiné. Tu pourras vérifier son taux, faire confiance, j'arrive plus depuis que j'ai remarqué que j'étais pas là après auto. La vie est belle mais pas par là. Wallah et puis là il demande Oscar là. Parfois la police passe, ouais t'as beau être pisse, Ils font couler l'équité écarlate. Baisse le mari de la mère à Carla Narle. On est dirigé par des charlas. Tant qu'on cessera pas de rentrer dans le sale jeu du bleu hargneux, on sera comme des parias. Catalogués, je l'avoue. Chez nous, y'a beaucoup de gens qui dînent. Oui, mais maintenant, avouez-nous. Parmi vous, il y a quelques pédophiles. On est dans l'éphémère. Tout est effet de mode. Même devenir mère. En effet, frère, j'ai connu une lointaine époque où il y avait des préliminaires. Le respect s'est perdu, tout comme les principes et les bonnes vertus. Y'a que de vertus, les peu d'hommes d'en trouver, ça devient hyper dur. Y'a que les incoutus de blé qui envient nos vies. Je lance un message à tous mes vis-à-vis. Cessez de leur mentir, sortez vite vos movies. Ici tu creuses, tu fais le poisson, lâche vie. On les fait rêver, ils veulent quitter l'Afrique aussi. Prêts à crever, moisir là-bas pour eux c'est plus possible. Direction la Libye, qui t'a chaviré. À l'arrivée, ils vont vite déchanter. Pas la vie trêve, mais une vie plantée. Comme un sevrané, parce qu'il est condé. Pas de fap, pas de taf, quel monde déchanté. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle. Elle est belle la vie. Elle est belle. Dario, Popo, ouais. 404 Mikey, Chas, Bison, RGT, Mancla, Trois Queuses, Muro, toute la Mifanguette, Chas, yeah. Équipé, yeah. Juste tous putain d'air, bon Caris, tout le bruit de mon âme, parle d'eau son là, ce soir c'est lourd. Oh, je sais que tu m'écoutes. Chasse, tout le monde. K-I-D-P-A. Y'a Stock, je sais que tu m'écoutes. Vivi, yeah. Christian. On est ensemble, deux frères. On arrive énervé. Le bruit de mon âme va le pécho. Diablo, qui bat du 10-12-R. Wesh, Dijon, wesh, R. Qui bat du 10-12-R. Chasse. Ok. Relevé de compète, bring. Fumeur de pète, de pète. Si t'es balèze. La guerre aux armes soviètes. Les MC balancer les serviettes. Tu es terreau mais je vais vous prendre dans le bret. Vous m'envoyez navré. Se prend les airs la patte sans la bête. Si je monte pas à bord c'est que je suis déjà dans ma navette. Beaucoup ont pété une canette. L'envie de fumer l'instru comme l'envie d'allumer un mec. Pour pas te rater ça va direct viser la tête. J'ai pas le cœur à la fête. Je vous m'habite dans leur canette. Comme ça c'est clair et net. Mais c'est propre les casques. Te rapproche pas de la punch, je suis un aveugle avec des gilettes. Je me suis noyé, ces fils de pute m'ont pas jeté le gilet. Aimerait que je finisse dans la filet. Les boucas veulent le poulet brisé, mais ne savent pas le digérer. Nos mères lâchent des rivières, des corps sur des civières. Attaque pulmonaire, viens jacter le fer. Voilà le bulldozer. 10-12-R. Bulldozer. 10-12-R. Bulldozer. 10-12-R. Bulldozer. Nos mères lâchent des rivières, yeah. Des corps sur des civières. Attaque pulmonaire, viens jacter le fer. Voilà le bulldozer. 10-12-R. Bulldozer. 10-12-R. Bulldozer. 10-12-R. Bulldozer. Aïe de PA 10-12-R. Le bruit de mon âme va le pécho vite, vite, vite. Exerto ou bitch. En moudou, je sais que tu m'entends. Parfois, hey. Midnight. Kalash tribunal. Kalash. Hey. C'est pour tout nous enfermer. Hall 14, hein, Hall 14. Hey. 10, 12, 14, bureau. C'est vrai, RGT, la cité est vidée. Hall 14, Kalash crimi, monte le son. Ramsey, go. Zito, yes. Ça fait, hein? Bra, la bécane se lève. Faut pas s'asseoir au soleil. Soleil. Eh mon gars c'est plus pareil. Depuis Mercon est parti c'est plus pareil. Du mal à trouver le sommeil. J'écoute pas trop les conseils. Amène-moi vite mon oseille. Amène-moi tout rafale comme à Marseille. T'as commis rac à Marseille. Les commis rac à Marseille. Moi je suis fier d'être africain. Pas comme des saïs Marseille. Les coups de savoir quitter. Ta ville tombe dans ta cité. On va te ta grand-mère. Des sacs d'identité. Des souverains, tu te rabaisses. Tu t'abonnes des filles, tu la baisses. Non, j'ai pas la tête sur les épaules. J'ai la tête sur les trapèzes. Marteau n'a jamais ta qu'elle est sous. À la Zaïroise, me pondou le chikwang. Ramène vite le main des sous. En rouge, moi y'a que des fous. En rouge, moi y'a que des fous. Cagoulé armé, je drive by. Me demande même pas, j'étais où. Ici c'est 10, 12, 14 bureaux. Broly, cascade, c'est pec d'euros. 9, 3, 2, 7, 0. Libérez les dieux du. Fais pas le héros. Sauvage, sauvage. La sauvagerie. Paul 14. Bram, Sigo, Zito, Aibo. Richard, au bas de chez toi. Le billet est dur, on paye à l'hiver. Jusqu'au moment où va te sortir ton fer. Jusqu'au moment où va te sortir ton fer. Tourné par la rue, depuis l'enfance. Quelques amis, sans tes connaissances. Bap sur le jouet, j'ai tissé pas l'essence. Depuis tout petit, on encule la France. Esclave moderne, vivi avec méfiance. On te fait du sale partout, les sens. Sur la détente, bap sur l'intelligence. Roule les trous, c'est toi et ta malchance. Diabète, du loup qui paralyse. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est un max de ralice. Libérez pas parce que je cherche tout Paris. On les fuck avec la putain d'analyse. Un gars qui cogne, sa vie là où mes gars sont. Femme même niquer la grand-mère Armstrong. Je contente des gars qui visèrent ta fille. A ton avis, à ton avis. La vie est belle, d'un jour à l'autre. Débat cruel, imperceptible, indescriptible. BDR, c'est mon sale équipe. Sors ici t'es sombre. Ou même les fantômes ont le mort. Par le nord, c'est des trucs gore. Le soir dans le noir, caillasse les bords. Libérez mes dieux du 10-12. Yeah, libérez mes dieux du 10-12. Ouais mon ego, ouais c'est K.I.F. 2-7-0, le rap on soulève. Brasser, brasser, rapper toute l'année. Reste pas sur place, les bords vont t'emmener. Même les as en quête pas le cul. Père de temps, j'enchaîne les B. Père de temps, j'enchaîne les B. Père de temps, j'enchaîne les B. Le pêcheur au bureau, tu vas halluciner. Max t'es démarre, on fait pas dans le ciné. Max t'es démarre, on fait pas dans le ciné. Max t'es démarre, on fait pas dans le ciné. Dans le navino, paye pas. On ne bat si tu payes pas. De police, fuck Zénon. Shooter à la côté, une gros pilon. Sevrant de cette fraîche charbon. Traverser de la France, remonteur de ballon. Shit, coke, bref, parlons. T'as authentique sur le marché, garçon. Laisse passer les braves, on les baisse. Ils savent, ils se testent tous. Quand les mecs de Sevrant se ramènent, on te la mène, tu la sentais venir. Voilà qu'on s'y qu'est pas, j'arrive sans prévenir. Si tu préfères, ramène ta sœur. Il fera un beau cadeau dont elle va souvenir. Elle va souvenir que grâce à Sevrant, tout ça avance. Dans le rap français, tout qui tue, c'est l'avalanche. Les braques, tu leur regrettes des 16 ans rigolant. Trop de haine, trop de frères, nous manque ça, affolant. Un masque à sort l'embelli, faire comme en Algérie. Le quai vient de passer, demande un doctor qui sourit. Frappe pas une fois de plus, je lance qui s'en souvient du quai free. Frappe, fume qui enchaîne. Trop de basse, trop de flotte, ta meuf veut se déchaîne. Je m'en mène l'instru, le mot, le coup, partez la sincère. Cossi qui est pas fait pour nous jouer au rêve. Il est plombe dans ce gueule, c'est du recette. Appelle-moi le quai, mec, toujours partant. Des parents Carl Sroux, Bronx, États-Unis. Appelle-moi le quai, mec, toujours partant. Des parents Moldavie, je me retrouve au Mali. Je suis de Sevran, quand t'as beu, je suis de Sevran. Qu'est-ce t'as bu, mais qu'est-ce qui te prend. Reste un peu, Cossi qui est pas du 9-3-2. Tout qui paye, tout qui paye. 14, dès qu'on passe, bah y'a tout qui paye. Je vais prendre mes lars sans finir ton lars. Paul 14, check. Mélosa, Mélosa, Street Life, c'est le 2-7 ici. Pour Mélosa qui tourne et Barbelle aussi. Tous les jours dans le bas qui tasse, visère nous-mêmes. J'ai besoin de personne, bras les couilles que tu m'aimes. Pas mon ange de gauche me dit de rafaler. Mon ange de droite me dit Pinkos, faut se calmer. Sortir d'ici, quitte à sortir du son. Ici, c'est les R. Lourd, lourd, lourd. Lourd, 8-6, 2-7, mon pote. Yeah, 8-6, 8-6, pas où on peut pas. Si, si, ouais, tout le monde, tout le monde, Primo JS, Kalash Primus, Inno Desti, qui fort, vieux pub, allez, on continue pour le live. 10, 12, 14, bureau, wesh à deux, 10, 12, 14, wesh bien, wesh bec bec, ce vrai RGT, la cité à éviter. Bang, bang. Libérez-y, toi. DJ Fresh, quand tu veux, hein. Yeah, ouais, Gosby, ouais, LR, Chas. Oh, Gosby. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, yo. Au jaune vert, toujours au garde à vous. Sur mes actes, il n'y aura pas de sabot. Mon son, mon flow, NO, c'est vous, mais à beau. Pire que le cancer, s'accroche à vous. Oeil pour oeil, dent pour dent jusqu'au beau Batman. Et c'est comme la jungle les plus fort control. Tu auras beau courir, tout est sous control. Yeah, yeah. Je fais les choses au pas, tout en avançant comme un soldat, gars. Afrique caribéenne, nom de la Teranga. Faire des millions du cash pour la MIF. Fils d'une malheureuse, je fais les choses pour que la MIF gratte. Ils essaieront de me stopper. Allez leur dire qu'on n'arrête pas le progrès. Yeah, yeah, yeah, yeah. Et parce que je n'ai pas ma place, je les entends tous, maintenant crains aucun. Bande de tarlouze, j'arrive fort fier, comme les All Blacks, déclaré forfait. Moi, je connais pas, continue à jacter moi, ça me fait des fans. Burn Mufaya sur ces bomboclates, Burn Mufaya sur ces bomboclates. Yo, je les allume tous en pleine tête, yo. Avec la rage que j'ai, je les atteins. Yeah, yeah, gangsta for life, mes matins. Yeah, yeah, gangsta for life, mes matins. Yo, j'mets la cagoule élégant, eh. J'mets la cagoule élégant, yeah. Grand shot in a yo head, man. Grand shot in a yo head, man. Yo, hey, hey. Rouge, jaune, vert, toujours au garde à vous. Suis mes actes, il y aura pas de tabou. Mon son, mon flow, et nous, si vous met à bout. Pire que le cancer s'accroche à vous. Hey boy, dans pour dans jusqu'au beau Batman. Ici c'est comme la jungle, les plus fort contrôle. Tu auras beau courir, tout est sous contrôle. Yeah, yeah, yeah. J'fais les choses au pas, tout en avançant comme un soldat, gars. Afrique caribéenne, nom de la Teranga. Faire des millions, tu caches pour la MIFA. Fils d'une malheureuse, j'fais les choses pour que la MIF rate. Blou, blou, blou. Gosby, OLR, du Chicago, Alaskos, 93, blou, blou. Force à Caris, le plus de mon âme. Blou, blou, blou. Check, check, Vinkos. Normal. Ça repart normal. Ouais, c'est pour au pitch. Les R, tu viens mettre du 8. Bang. Là, c'est Vinkos. Check. Check. Christian, c'est pour aussi. 1. Street. Live, c'est le T7 ici. Pour Melo, ça qui tourne et Barbel aussi. Tous les jours dans le bac qui t'asvissère nous-mêmes. J'ai besoin de personne, bas les couilles que tu m'aimes. Pas. Mon ange de gauche me dit de rafaler. Mon ange de droite me dit Vinkos, faut se calmer. Sortir d'ici, quitte à sortir du son. Mais trop de soucis qui veut que je baisse tout dans le son. Fais entrer l'accusé Vinkos. J'ai rien fait, je vous le promets, j'ai juste dit que tu le bosses. Il y a quelques victimes de potes sur ma liste. Parmi ces MC, je vais finir finaliste. Les petits frères grandissent, ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Même ce Sky, ça démarre une chicha. Chicha, chicha. Je pas ratiner à la tristesse. Tête à l'air stressé. Tête à l'air blessé. Dans le rap, je la fous de ma secret. Touche pas à la MIF, c'est sacré. Putain, ici, ça craint. C'est qu'ici, les ambiances, elles sont malsaines. C'est qu'ici, les ambiances, elles sont malsaines. Charbonné pour de l'amour. Je veux pas raconter de story. Mais les ambiances, on les connaît. Mec de quartier solide de la tête au pied, le terre-terre toujours actif comme un construit. Mec de quartier solide de la tête, c'est le bureau. Mec de quartier solide de la tête au pied, le terre-terre toujours actif comme un peu impossible à étendre par le pompier. Tu comprends notre zig, ça nous étonne pas, t'es pas le premier, je suis pas ancien peu. Ouais, y'a une roue qui a crevé là, y'a une roue qui a crevé. C'était la session live dans Planète Rap entre 20 et 21. Merci à vous tous. Merci Caris aussi. Merci, c'était chaud, c'était dur. Ouais, c'était une soirée. Ouais, c'était chaud, y'a beaucoup de monde qui veut rappeler. Beaucoup, beaucoup de monde, merci à XO. Tu connais, hein, c'est le zoo pour toi. C'est passé à Solo de Meat. XO, ouais. Ah, vas-y. Quand on tombe bien. Bull, tu vois, c'est le zoo. Ouais. Non, comme jamais, frère, comme je le disais tout à l'heure, le 24 mai, cabaret sauvage, ça va être lourd, frère. On a concert tout le monde. XO. Concert d'XO, frère, c'est un taf indépendant, frère, tu vois. Ça veut dire que c'est du charbon à 100% indépendant. On jette le son, on invite tout le monde, on va créer un délire, frère. Un truc plein gros. Un gros concert qui est comme ça. Le 24 mai. Voilà, le 24 mai. Voilà. Merci à vous en tout cas, Solo Meat qui était là aussi ce soir au micro. Merci Caris, demain tu reviens juste après le concert du Trabendo. Juste après le concert, juste après le feu. À pas louper, demain on fera un petit débriefing entre 20 et 21 de ce concert au Trabendo. Merci à vous tous et avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton casque Power Beats 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Salut Karim, comment ça va? Salut Fred, bah, tranquille. En forme? Tout va bien? Ouais, ben, je te présente Caris, notre invité toute la semaine, t'as écouté un peu? Bien quoi mon pote? Ouais, carrément. L'album Le Bruit de mon âme, est-ce que tu es prêt? Toujours. À faire tourner la roulette, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter. Sur la case. Et ben voilà les 50 euros en bon d'achat qui arrivent à la maison. Direct. Ça fait plaisir dans la poche, c'est pour toi, ouais, avec l'album de Sam Smith aussi qu'on t'envoie rapidement du côté de Chartres. Ça marche. Merci beaucoup les frères. Allez. Merci à toi Karim, bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée, mon pote. Merci à vous tous. Merci, Caris. Rencard demain. Merci à toi, frérot. Juste avant 20h. Demain, direct. On fait comme ça. Demain, on sera là entre 20 et 21. Merci à vous tous. À tous ceux qui sont passés ce soir. Bonne soirée. Et là, on va retrouver D-Fool. C'est parti. C'est la Radio Libre sur Skyrock. Radio Libre. L'équipe. D-Fool. Samy, Momo, Marie. Personne. Bon, 01 53 40 30 20 sur Skyrock. Ah, j'entends un peu de bruit. Ah là, c'est en train de s'installer pour l'équipe. Ah, c'est bon, je crois. Ah, c'est bon, ça y est, on y est. Ouais. On est en train de se connecter. Ah, ça, bah voilà, ça y est, je vous entends. Non, mais je parlais dans un micro, le truc ne marche pas. Mais là, on t'entend. Salut Fredo. Ça va ? Salut tout le monde. C'est bon, ça marche. En pleine forme. Bienvenue sur Skyrock. Ah. En pleine forme, ça y est, on est là, c'est parti. C'est parti, coup d'envoi. Ouais. Coup d'envoi pour la Radio Libre de ce soir. C'est jeudi soir, il y aura le problème du mois ce soir. Demain soir, on donne comme rendez-vous jeudi, ouais. À 20h pour la dernière de Caris, qu'on remercie d'être passé hier soir dans l'émission. Il est venu nous voir, Caris. Et bien, on se fera peut-être un petit Caris ce soir, là, d'ici. Bonne idée. Oui, on a plein de bonnes idées hein, pour cette grande soirée. Et puis, un petit Major Lazer pour démarrer. Et vous tous en direct dès maintenant, c'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Vous y allez au 01 53 40 30 20, mais aussi sur les SMS, sur le net, à Fredo. Si tu as un truc à dire ce soir, t'hésites pas à nous passer un coup de fil. Mais je viendrai peut-être pendant le problème du mois. Ah, le grand. Un de tes rendez-vous préférés, Fredo. Peut-être que je vais me reconnaître. Peut-être que tu vas t'en reconnaître. Oh mon Dieu. On va voir ça, ouais. Le problème du mois, donc à suivre ce soir. Et bien sûr, vous tous et vous toutes. Et Linon pour démarrer cette soirée. Gros son qui va ambiancer tout l'été, je pense. Ah, il défonce ce morceau. Ouais, défonce. Major Lazer, plus DJ Snake, plus Mo. C'est pour démarrer cette soirée sur Skyrock. Fred, bah rendez-vous demain. Hein. Demain, le retour, un petit peu avant 20h. Le retour, ça y est, on est connecté, on va tout déchirer toute la soirée. Allez-y, profitez-en. A tout de suite, Fred, et à tout de suite avec Major Lazer. Tout de suite. Ciao. Salut.